Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Ce podcast a commencé au début de l'année 2020 à vous raconter les luttes décolonisées en France et puis le contexte dans lequel ces luttes sont apparues. Pour en citer quelques-unes seulement, il y a eu la lutte des immigrés indochinois déplacés de force pour faire fonctionner l'armement français en 14-18, ou bien les protestations des indigènes contre le contrôle total qui était exercé sur eux en métropole. Il y a eu aussi les soldats coloniaux sénégalais massacrés pour avoir exigé leur dû, ou bien les grèves de la faim des révolutionnaires algériens en prison, alors qu'ils risquaient la guillotine, et aussi la lutte des résidents des foyers Sonacotra contre le traitement qui leur était réservé dans les foyers, les mutineries en prison, les détenus qui s'organisent contre les QHS et pour leurs droits, les doubles peines et leurs familles qui se battent contre l'expulsion, la jeunesse des Minguettes aussi qui organise une marche pour stopper l'escalade qui a lieu entre police et jeunes, et puis les habitants des banlieues qui dénoncent la politique de la ville, les jeunes qui brûlent le centre commercial pour dénoncer l'assassinat d'un gars de la cité, les militants de l'immigration qui s'engagent à gauche ou dans des listes pour les municipales. Vraiment, de très très nombreuses luttes ont été évoquées dans ce podcast, beaucoup ont été oubliées. Celles dont on se souvient ont parfois échoué ou alors ont été récupérées, mais en tout cas ces luttes, elles ne sont jamais vaines. C'est de toutes ces erreurs, de toutes les constatations qui ont été faites au fil des luttes que les générations qui arrivent peuvent tirer des enseignements. Et donc l'humble ambition de ce podcast, c'est d'informer au mieux sur ces expériences passées pour que les jeunes qui décideront de s'engager dans un mois, dans un an, dans 10 ans ne répètent pas les mêmes erreurs. En tout cas, une chose est sûre, on ne peut pas s'être penché sur l'histoire de l'immigration et se dire en 2021 « je vais monter une liste citoyenne des banlieues pour les municipales ». Ça n'a pas de sens. Celui qui dit ça ne connaît pas son histoire ou n'en a pas tiré les leçons. Ou bien dire « je lutte contre l'injustice raciste » en montant une association de quartier qui fera du soutien scolaire et des actions culturelles. Ça non plus, ça n'a pas de sens en 2021. Dans une perspective de lutte, ce sont des actions qui ont échoué de toutes les manières. Donc celui qui fait ça n'est pas dans la lutte, et particulièrement il n'est pas dans la lutte antiraciste. Ce qu'on a vu au fil des épisodes, on est aujourd'hui au numéro 39, c'est qu'une des constantes, c'est la question des relations entre la police et la jeunesse des quartiers. C'est un des principaux nœuds du problème. Et tout projet antiraciste doit nécessairement se positionner là-dessus. Et de ce point de vue, 2005, on peut dire que c'est le point culminant de la colère. Une autre constante de ce podcast, c'est la question de l'autonomie. Et 2005 va s'ouvrir sur une initiative qui va aboutir à la naissance du premier mouvement autonome de l'immigration. Et c'est donc le 8 janvier, l'appel des indigènes de la République qui est initié par des militants de l'immigration, parmi lesquels on retrouve Youssef Boussouma, qui coordonne les campagnes civiles en Palestine, Sadri Khiari, qui est militant tunisien, Karim Azouz, qui est membre du collectif des musulmans de France, Ouria Boutelja, qui est porte-parole de cet appel et aussi membre du collectif Les Blédards, mais aussi Monique Rinon du CDTIM, Mustapha Gueye du cercle Frantz Fanon et Mariam Laribi. Avec d'autres, ils initient cet appel qui est rendu public le 8 janvier et dont le texte intégral ainsi que les signataires sont en lien de ce podcast. C'est une démarche qui est inédite. Elle utilise d'abord pour la première fois le nous des personnes qui subissent la discrimination raciale. C'est un appel aussi qui rejette radicalement toute forme de paternalisme. Il a pour entrée en matière la question des discriminations. Et les discriminations, c'est la manière dont le racisme se pose très concrètement dans la vie des gens. Ensuite, cet appel, il pose le racisme comme un système, pas comme un sentiment, ni comme quelque chose d'accessoire. C'est quelque chose de central, global. Dans cet appel, l'exigence d'autonomie est posée très clairement. Et c'est d'ailleurs l'organisation qui sortira de cet appel qui va porter la réflexion le plus loin sur ce qu'elle entend par autonomie, et elle le fera en s'inspirant des leçons tirées de l'histoire des luttes de l'immigration. Ensuite, c'est un appel qui pratique ce qu'on appelle l'appropriation du stigmate, parce que indigène, c'est quand même une infamie, c'est le signe d'une infériorité politique, on n'est pas censé le revendiquer. On est censé être en colère après ce statut, mais aussi en avoir honte à cause des humiliations qui l'accompagnent. Donc c'est un usage qui est subversif, qui neutralise aussi l'infériorisation qu'il est censé entraîner. Mais c'est aussi très révélateur d'un registre. Et le registre compte beaucoup. Quand on lit cet appel, on voit qu'il ne demande rien, il ne mendie rien. C'est ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il affirme quelque chose, il informe de l'existence d'une revendication politique et il ne se positionne ni à gauche ni à droite. Il n'est pas non plus une mobilisation thématique sur une question précise et très concrète, il est plutôt un appel à s'organiser. La différence entre mobilisation et organisation, c'est qu'une famille de victimes de la police, elle va se mobiliser sur une question concrète. Un mouvement ou un parti s'organise et développe donc une vision globale des choses. Ainsi, les aînés, comme le mouvement de l'immigration et des banlieues, ont pratiqué l'organisation, mais c'était de l'auto-organisation dans la tradition libertaire. Là, c'est une initiative qui ne se revendique d'aucune culture politique blanche. Ensuite, quand il parle d'indigène, il le fait pour décrire quelque chose très précisément. En effet, il décrit un continuum entre l'histoire coloniale de la France et la condition actuelle des descendants de l'immigration. Et ça se matérialise par le titre « Indigène de la République », qui fait référence au statut de l'indigénat qui a été imposé aux populations coloniales. Et simplement, il dit « Aujourd'hui, ce n'est plus le statut colonial qui indigénise, c'est le rapport à la République ». Puisque les institutions républicaines qui sont visées par cet appel, elles participent à maintenir deux statuts politiques inégaux. Et ils ne sont pas les premiers à le dire. Hein, dans un texte que Sadré Réhari, Laurent Lévy et Alix Héricourt vont publier le 22 février 2005, ils vont dire « Avant nous, il y a les collectifs de sans-papiers qui l'ont dit, il y a aussi le mouvement de l'immigration et des banlieues. On n'est pas les premiers à parler de ce continuum ». Ensuite, c'est un appel qui est internationaliste parce qu'il se positionne en solidarité avec les luttes des peuples d'Afrique, de Palestine, d'Irak, de Tchétchénie, des Caraïbes, de l'Amérique latine, etc. Il refuse aussi l'assimilation et l'intégration qui sont présentées à l'époque, en 2005, comme les seules solutions à l'avenir des jeunes de l'immigration. Et puis, c'est un appel qui est rassembleur dans le sens où il reconnaît la très grande diversité de conditions des victimes du racisme. Et donc, il pose un cadre dans lequel toutes ces victimes du racisme peuvent converger et se mettre en action. Pour prendre un exemple, souvent dans l'histoire des luttes antiracistes, on a fait la distinction entre les immigrés et les descendants d'immigrés. Là, ce n'est pas le cas. Tout le monde est concerné par cet appel parce que tous, immigrés et descendants d'immigrés, sont des sujets coloniaux. Donc voilà, l'histoire des luttes de l'immigration, elle est longue. Elle se construit étape par étape. Et celle de cet appel, elle est essentielle. Parce qu'avec cet appel, il y a plusieurs mondes qui vont entrer en collision. C'est l'immigration qui entre par effraction dans le champ politique blanc et qui le fracture totalement parce qu'elle va en faire le sujet de 2005. À savoir, y a-t-il continuum ou non? Peut-on dire indigène ou non? Sont-ils racistes? Sont-ils antisémites? Etc. Donc cet appel lance un appel à se réunir le 8 mai, qui est la date qui incarne le mieux la préexistence de ces deux statuts inégaux en France, puisque à cette date du 8 mai, les citoyens de plein droit célèbrent la libération de la France, le 8 mai 1945, tandis que les descendants décolonisés commémorent un massacre barbare. Donc il appelle à une marche à cette date, pour bien mettre en évidence cette inégalité. Et son objet, plus généralement, est d'appeler à la décolonisation de la République. Alors il va créer énormément de réactions, ça ne va pas être possible de toutes les lister. Beaucoup de soutien de personnes issues de l'immigration qui ont le sentiment que leur parole est portée dans le champ politique et que cet appel traduit leur vision du monde et la manière dont ils voient leurs conditions. Mais aussi énormément de détracteurs. Ainsi, le Monde du 22 février va assimiler ce texte à de l'antisémitisme. D'autres vont évoquer les nouveaux racistes. Laurent Geoffrin, qui va taxer cet appel d'entreprise de falsification historique et de racialisation de la société française. La revue Mouvement, d'ailleurs, va faire un peu le bilan de toutes ces réactions et remarquer que beaucoup se positionnent comme experts ou scientifiques pour disqualifier cette initiative, pour en discréditer le contenu. Et ils oublient d'ailleurs que cet appel est un appel qui pose une affirmation politique. C'est pas du tout un travail scientifique et donc les scientifiques n'ont aucune légitimité à l'évaluer. Donc cet appel des indigènes de la République est un succès. Il y a 1000 personnes qui le signent en 3 semaines, puis en tout 2000. Les initiateurs face à ce succès décident de lancer un rendez-vous pour que la discussion puisse s'engager sur tous les problèmes qui ont été soulevés dans l'appel. Donc ce rendez-vous, ce seront les assises de l'anticolonialisme postcolonial. Et dans plusieurs villes de France, des personnes ont aussi la volonté d'organiser des assises locales. Donc la première étape d'organisation est là, c'est d'essayer d'organiser à partir de cette dynamique nationale que représentent toutes ces signatures et ces réactions positives à cet appel. Et ce moment marque aussi l'irruption de la question postcoloniale dans le débat public en France. Février 2005, c'est aussi un mois où se poursuit une mobilisation des lycéens qui avait démarré en 2004. Le 7 décembre 2004, les syndicats avaient appelé à une grande journée de mobilisation contre la loi d'orientation sur l'école qui, alors, est considérée comme une politique d'attaque contre le service public d'éducation. Donc il y a cette grande manifestation le 7 décembre, et peu après la rentrée, le jeudi de la rentrée, le 6 janvier, dans 1200 collèges et lycées difficiles, les policiers débarquent et procèdent à des fouilles. Et on a vraiment le sentiment que le gouvernement est à la recherche d'affaires qui permettraient de saquer les ZEP et de justifier ainsi les coupes budgétaires. Alors, les lycéens réagissent et ils manifestent régulièrement à partir du 20 janvier. Il va parfois y avoir jusqu'à des dizaines de milliers de jeunes dehors. Ces jeunes exigent le retrait du plan Fillon. Ils demandent aussi que les trousseaux professionnels soient gratuits et surtout, ils veulent le retour des postes qui ont été supprimés. Le 8 mars 2005, c'est le jour où les mobilisations seront les plus fortes. Et ce jour-là, il va aussi y avoir des casseurs qui cassent un peu le mouvement, comme c'est l'usage, et certains vont détrousser les lycéens en volant les portables, les vêtements de marque, les sous, etc. Ce mois de février, c'est aussi un mois où on constate chaque jour davantage la dérive de Dieudonné. Dieudonné était l'humoriste français qui avait le plus de talent en France, il avait abordé le racisme dans ses sketchs avec beaucoup de panache. Au début des années 2000, il avait aussi publié un recueil des lettres d'insultes qu'il recevait en permanence et il les commentait avec un humour féroce, c'était drôle avant d'être effarant. Et puis dans les luttes noires en France, Dieudonné avait été un militant radical, dénonçant tous les afrodescendants qui collaboraient avec le pouvoir, Taubira en tête, et il avait l'habitude d'ouvrir son théâtre pour des débats sur l'esclavage et les réparations, et il avait aussi été très impliqué dans les dénonciations du racisme anti-noir à la télévision. Simplement, Dieudonné, ce qu'il a perdu, c'est son incapacité à identifier son adversaire principal et ça l'a entraîné dans une dérive progressive. Il a combattu l'antiracisme institutionnel, seulement il est tombé dans tous ses pièges et ça l'a même entraîné dans l'escalade. On pourrait même dire avec le recul qu'il leur a rendu service d'une certaine manière. En tout cas, tout en cherchant à dénoncer le sentiment de persécution de ses ennemis, lui-même, avec son égo démesuré, s'est prêté à la même chose, cherchant chaque jour davantage à démontrer qu'il était persécuté. En tout cas, ce qui va être frappant, c'est que dans la manière dont l'appel des indigènes de la République a été traité, puisqu'on est quasiment le même mois, on est à quelques semaines de différence, eh bien très souvent les médias vont associer de manière injustifiée la dérive antisémite de Dieudonné et la démarche anticolonialiste des militants de l'appel des indigènes de la République, alors que politiquement c'est complètement insensé. Et puis en février toujours arrive le vote d'une loi qui est en préparation depuis 2004. Et cette loi, elle contient un amendement qui voudrait mieux faire connaître aux jeunes générations le côté positif de la présence française en Afrique et en Asie, dans la ligne voulue par Jules Ferry. C'est un texte qui propose aussi de rendre hommage aux supplétifs, et cette loi va créer un énorme tollé, parce qu'elle est anti-éducative, elle impose aux enseignants de délivrer une version d'État de la colonisation, et puis c'est un mensonge qui occulte les crimes nombreux de la colonisation. Elle fait finalement d'une seule voix, la voix des colons, la voix officielle. À une période où beaucoup d'organisations partent en chasse contre le communautarisme, c'est particulièrement osé de sortir une loi comme celle-là. Il y a aussi dedans le projet de créer un musée du colonialisme. C'est vraiment une loi choquante et l'appel des indigènes de la République, il est partiellement en réaction à cette loi. Quelques jours plus tard, le 2 mars, Fadela Amara écrit dans Libération. C'est un texte qui est en réponse à l'appel des indigènes et où elle reconnaît la dégradation de la situation dans les banlieues. Simplement, pour elle, les responsables, ce sont l'islamisme et le mec arabe. Je dis mec arabe parce que c'est comme ça que parle Fadela Amara. Elle y fait parler son père, dans ce texte, qui depuis l'Algérie lui aurait dit « En quoi ça te regarde la colonisation ? L'indépendance de l'Algérie est acquise depuis plus de 40 ans. De quoi as-tu besoin pour vivre ? De respect. Respecte les gens et fais-toi respecter. » Fadela Amara dit « Ceux qui veulent nous faire assumer la posture de l'indigène méconnaissent volontairement l'histoire et ils instrumentalisent le passé pour mettre à bas la liberté et l'égalité, les valeurs de ce qu'ils osent appeler le chauvinisme universaliste. » Elle dit « La posture de l'indigène en lieu et place d'égalité sociale, ça fait plus de 20 ans que Jean-Marie Le Pen nous la promet. L'égalité sociale, vraiment ? Voilà qu'une fraction de l'extrême-gauche rejoint les associations islamistes pour soutenir symétriquement une telle régression. Cette confusion des esprits est un signal d'alerte pour tous ceux qui sont attachés à l'émancipation de l'humanité et à l'esprit des Lumières. Bon, ce n'est pas très sérieux. C'est en plus un texte qui est assez mal écrit avec ce ton enfantin qu'elle a toujours. Elle fait ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui participe à SOS Racisme et qui est très impliqué dans l'antiracisme institutionnel. Pas de surprise donc. Le 7 mars, le rapport Benisti sur la sécurité intérieure et la prévention de la délinquance sort. C'est un rapport qui développe une vision vraiment très problématique des populations défavorisées, notamment parce qu'il fait un lien entre origine culturelle, religieuse et délinquance. Par exemple, il suggère de réprimer l'usage des langues maternelles à la maison, un peu comme ça se faisait aux colonies. Donc c'est une manière de dire qu'enseigner sa langue maternelle quand on est descendant de colonisés, ce serait un facteur de délinquance. Au lieu de chercher à résoudre les difficultés scolaires des élèves, il propose plutôt de sortir les éléments perturbateurs du circuit normal, comme ça, ça permet de préserver l'école comme creuset de l'inégalité républicaine. Donc c'est vraiment un rapport qui assimile délinquance et immigration, et qui plus largement a une vision de la délinquance comme une déviance qu'il faudrait détecter au plus tôt, et donc pour ça, il y a besoin de surveiller les familles d'origine immigrée, les mettre à l'écart, pour pouvoir mettre à l'écart au plus tôt les enfants potentiellement inadaptés. Et Benisti veut aussi des centres fermés pour les délinquants. Enfin voilà, c'est une vision très radicale. Arrive le 8 mars, la journée traditionnelle de lutte des femmes, et le camp féministe continue d'être fracturé sur la question du voile. Le collectif féministe pour l'égalité qui s'est créé l'année précédente, cette fois-ci, intègre le cortège Une école pour toutes à la marche des femmes. Simplement, Lutte ouvrière et le planning familial appellent à voter sur leur droit de participer et la majorité va s'exprimer contre. L'Union des familles laïques et Ni pute ni soumise quittent le collectif et initient leur propre marche pour protester contre la présence d'une école pour toutes. En revanche, plusieurs organisations vont s'exprimer contre l'exclusion du collectif féministe pour l'égalité. C'est le cas des Panthères Roses, des Verts, de la Confédération syndicale Sud G10 Solidaire, de l'LDH, du MRAP et du FSU. Et le jour même de la manifestation, les Verts vont même se mobiliser pour que les femmes du collectif féministe pour l'égalité puissent entrer dans la manifestation. Donc, on les tolère, même si c'est en fin de cortège, et pour elle, ça semble être une avancée. La semaine suivante, le 15 mars, un article dans Le Monde évoque le spectre des violences anti-blancs. L'auteur, journaliste, donne la parole à certains des casseurs du 8 mars, et ces casseurs expliquent en détail qu'ils sont venus de banlieue pour racketter ce qu'ils appellent les bolos. 10 jours plus tard, les militants de l'antiracisme institutionnel initient une pétition contre les ratonnades anti-blancs. À l'initiative, il y a Yonis Madja de Hachomer Hatzair et Bernard Abouaf de Radio Shalom. Ils nous ont décroché les signatures de Pierre-André Taguieff, Bernard Kouchner, Jonathan Arfi de l'UJF, Jacques Julliard, on retrouve aussi Alain Finkielkraut dans les signataires, et Hachomer Hatzair, souvenez-vous, c'était ces sionistes de gauche qui avaient tenté de piéger le FSE en 2003 pour pouvoir discréditer le forum pour motif d'antisémitisme. Khaled Benchir a aussi signé l'appel contre les ratonnades anti-blancs pour ensuite se rétracter. Et dans ce texte, Hachomer Hatzair raconte s'être fait exclure en 2003 d'une manifestation contre l'intervention en Irak. Alors ils disent que c'est en tant que juif, bon c'est plutôt en tant que militant pro-sioniste évidemment, qu'aurait-il à faire dans une manifestation anticolonialiste, anti-impérialiste ? Donc il raconte, lors de la conférence de presse, que Yoni était rue des Rosiers, un noir lui a demandé son portable pour envoyer un SMS, Yoni a refusé, l'autre l'a traité de sale blanc, sale français, sale bouffon. Et Yonis Medja explique que les images de lycéens agressés par ce qu'on qualifie désormais de Kaira l'ont choqué et ont réveillé une peur diffuse, la peur que la haine envers les Français s'aggrave, les violences subies par des Français faisant écho aux agressions antisémites. Pour Smedja et Abouaf, ce n'est pas une contre-offensive à Dieudonné. Abouaf refuse même de faire le parallèle entre le nouvel antisémitisme et ce racisme anti-français. Le lexique de l'appel mérite quand même qu'on s'y arrête un instant. Ratonnade, c'est un mot qui est dérivé de l'insulte raton qui visait les Nord-Africains en France à une époque où les meurtres d'Arabes étaient tellement fréquents, dans les années 1970 et 80, qu'il y avait besoin d'un mot pour décrire le phénomène. Or, eux l'utilisent ici pour décrire quoi ? Ils disent que 2 ans auparavant, le 26 mars 2003, 4 jeunes du mouvement Hachomer Hatzair s'étaient fait agresser en marge d'une manifestation parce qu'ils étaient juifs. Et ils disent « Aujourd'hui, les manifestations lycéennes sont devenues pour certains le prétexte à ce qu'on peut appeler des ratonnades anti-blancs. Des lycéens souvent seuls sont jetés au sol, battus, volés et leurs agresseurs affirment le sourire aux lèvres parce qu'ils sont français. Ceci est un nouvel appel parce que nous ne voulons pas l'accepter parce que pour nous, David, Kader et Sébastien ont le même droit à la dignité. Et il ne s'agit pas pour nous de stigmatiser une population quelle qu'elle soit, ajoute le texte. Il s'agit d'une question d'équité. On a parlé de David, on a parlé de Kader, mais qui parle de Sébastien ? Donc ça, c'est un argument qui est assez classique chez l'antiracisme institutionnel, c'est de dire que l'antiracisme défendrait les Noirs et les Arabes, mais pas les Juifs ni les Blancs. Ce qui est évidemment faux. Les actes de haine sont régulièrement dénoncés par les associations et organisations antiracistes quand la motivation est évidente. Or, dans le cas de Hachemer Hatzair, à chaque fois, c'est un motif politique qui a justifié leur expulsion. Et les Juifs anti-sionistes ont toujours été présents dans les mobilisations anticolonialistes et anti-impérialistes. Dans le cas du pseudo-racisme anti-blanc, là, ils cherchent à dire que des jeunes ont été attaqués parce que blancs. C'est vraiment un raccourci, ce sont de jeunes lycéens qui ont été ciblés parce qu'ils avaient les portables, les lecteurs MP3 que convoitaient les casseurs, et socialement ça s'explique simplement parce que le fait que le racisme place les Noirs et les Arabes en bas de l'échelle sociale, donc il y a plus de chances d'y trouver des casseurs, et d'ailleurs, en l'occurrence, c'est beaucoup de jeunes Noirs qui étaient impliqués le jour de cette manifestation, et le pickpocket est très pragmatique, il vise l'argent, donc les beaux quartiers peuplés de blancs ou les manifs de lycéens. Donc ce n'est pas un préjugé anti-blanc raciste, c'est un pragmatisme de voyou, et si ça avait été le cas, ça aurait été des actes de haine individuels qui peuvent être commis par n'importe quelle communauté envers n'importe quelle autre et qui ne sont pas à confondre avec le racisme qui est un système inscrit dans les institutions. Donc les signataires de l'appel, ben, classiquement, ils cherchent à dégommer l'antiracisme hein, méthodiquement et ils vont se jeter sur tout événement d'actualité qui va leur permettre d'inverser les responsabilités. Et là, quand ils font ça avec cet appel contre les ratonnades anti-blancs, c'est vraiment tout à fait à l'image de ce qu'ils avaient fait à Durban. Les blancs et les juifs sont les victimes des noirs et des arabes. C'est leur ligne directrice. Et évidemment, ça ne passe pas. L'UNEF réagit en premier. Pour eux, ces violences sont le reflet d'un malaise social et d'une fracture qui se creuse entre les lycéens de centre-ville et de banlieue. Et ce thème-là même est présent dans leur mobilisation depuis le départ, de l'inégalité qui se creuse dans l'école républicaine. Esther Benbassa, elle, va condamner l'emploi du terme « ratonnade ». Elle dit que c'est une manipulation de l'antisémitisme et une attaque contre le concept d'islamophobie. Quant à Michel Toubiana de la LDH, il déclare que c'est une vision réductrice. S'il y a de la haine ici, c'est une haine sociale et la démarche de ces militants aggrave les communautarismes et ferme toute possibilité de comprendre les gestes de ces jeunes de cité. En revanche, Serge Romano du CM98, lui, valide la thèse du racisme anti-blanc et du suprémacisme noir. Il regrette, toutefois, cet appel n'évoque pas la question de l'insertion en France des communautés antillaises et noires africaines. Et il dit qu'il a refusé de signer parce qu'il a peur des affrontements entre noirs et blancs. Moulouda Ounit, lui, déclare que c'est une manière d'éteindre un incendie avec un bidon d'essence. Et Patrick Klugman de SOS rejette la vision binaire de cet appel et il dénonce le côté victimaire de la démarche. Mais en tout cas, en termes de temporalité, il faut bien comprendre que cet appel d'Hachomer Hatzair et de Radio Shalom, c'est une réaction directe non pas aux violences, mais à l'appel des indigènes de la République. Et dans les arguments des signataires, on trouve beaucoup de références à Farrakhan, à l'atomisation de l'antiracisme. D'ailleurs, dans la presse, Jacques Julliard dit qu'il a accepté de signer parce que pour lui, l'antiracisme ne se divise pas. Il dit « J'ai passé ma vie à lutter contre le racisme anti-musulman en Algérie, en Bosnie, au Kosovo, en France. Alors pourquoi ne pas s'élever contre cette forme de racisme envers des petits Français qui n'en peuvent plus ? Car ce phénomène n'est de surcroît pas isolé, il intervient après les propos de Dieudonné et l'appel des indigènes de la République. » Les indigènes, d'ailleurs, organisent donc le 16 avril ces assises de l'anticolonialisme postcolonial. Devant le succès de l'appel, ils avaient donc convoqué des assises à Paris pour créer un espace pour discuter. Initialement, il était prévu que ça se tienne à la Bourse du Travail, mais au dernier moment, le bureau interfédéral de la CGT a retiré son accord. Sauf que les gens avaient fait le voyage de partout en France. Donc, in extremis, les participants se replient sur le campus de Nanterre et commencent à poser les bases parce que ces assises marquent la naissance d'un mouvement. Les participants actent le fait que s'auto-désigner indigène, c'est avoir pris conscience de sa situation objective en France. Dire « je suis indigène », c'est exactement l'inverse que de dire « je suis un citoyen » ou « je suis un Français comme un autre » ou « un citoyen du monde ». C'est regarder la réalité objective qui est que si on se trouve dans un tribunal, dans un commissariat, au moment d'inscrire son enfant à l'école ou dans un plan de l'urbanisme, les choses ne se passeront pas du tout de la même manière si on s'appelle Mounir ou si on s'appelle Sandrine. Et puis ces assises, c'est aussi le point de départ de production d'un corpus théorique et politique inédit. Comme tout mouvement qui l'a précédé, le mouvement des indigènes organise des mobilisations, Mais il produit également énormément des textes de tout type, des journaux, des vidéos. Son site internet, qui est une mine de production autonome. Et si les descendants de l'immigration ont toujours écrit dans des revues scientifiques, dans des journaux, dans des tracts, ils ne l'ont jamais fait en gardant la maîtrise rédactionnelle totale. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Et en tout cas, l'ossature de cette pensée politique naissante, elle vient en grande partie de Sadri Khayari. Et le mois suivant, c'est donc cette marche des indigènes le 8 mai, et 8000 personnes originaires d'Afrique noire, du Maghreb, des Antilles et d'ailleurs vont défiler de la place de la République à l'église Saint-Bernard à Barbès, qui est un lieu symbolique de l'histoire des luttes. Ils protestent contre la politique coloniale, post-coloniale et néo-coloniale de la France, et puis plus largement contre toutes les formes de domination d'un peuple par un autre, que ce soit en Palestine, en Irak ou en Tchétchénie. Quasi en même temps, sort en France le livre « La fracture coloniale, la société française au prisme de l'héritage colonial ». C'est un ouvrage collectif qui est dirigé par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire de l'ACHAC. Ils ont réuni les contributions de spécialistes de différentes disciplines et ils veulent montrer que la situation contemporaine n'est pas une reproduction à l'identique du temps des colonies. Ils disent qu'elle est faite de métissage et de croisement entre des pratiques issues de la colonisation et des enjeux contemporains. Donc les contributeurs dans ce livre sont Marcel Dorigny, Benjamin Storoff, Françoise Vergès, Michel Vivorca, Olivier Lecourt-Grandmaison, Marc Ferraud, Achille Mbembe, François Gèze, Ahmed Boubekeur, Ronnie Broman, Thomas Deltombe, Mathieu Rigouste, Nassira Guenif-Souilamas, Didier Laperroni, Philippe Lyotard, Olivier Barlet, Patrick Simon et Arnaud Lebrusque. C'est un ouvrage qui est publié avec le soutien financier du FACILD et de la délégation interministérielle à la ville, donc en gros c'est financé par la politique de la ville, et vu de loin, par un œil non exercé, on pourrait penser que les initiatives des indigènes et des membres de l'ACHAC sont proches, en fait pas vraiment, même pas du tout. La première est politique et autonome et pose une question afin que les forces vives du pays se rassemblent pour contribuer à y répondre, et les gens de l'ACHAC s'emparent de cette même question, de la même thématique, et il la traite très différemment dans un cadre institutionnel en se positionnant comme expert ou scientifique. D'ailleurs, les gens de l'ACHAC, donc Blanchard, Lemaire et Bancel, disent qu'ils n'ont pas signé l'appel des indigènes parce qu'il leur semblait contenir certaines outrances, comme par exemple de tracer un parallèle trop systématique entre situation coloniale et actuelle. Pour eux, il y a aussi une simplification de certains faits historiques, comme celui de la victime éternelle que représenterait le combattant des colonies au sein de l'armée française. Et ils disent, en ce sens, il nous semble particulièrement révélateur de la fracture coloniale que l'on décèle dans la mémoire et l'histoire liée à la colonisation. En effet, si cette histoire était davantage connue, mieux socialisée, certaines erreurs historiques et certains raccourcis ou réappropriations entre situations d'antan et celles d'aujourd'hui ne seraient pas ressenties et exprimées de cette façon. Mais, disent-ils, nous savons aussi que des collectifs de réflexion sont nés, qu'ils travaillent sur la postcolonialité. Bref, qu'ils s'emparent de leur propre histoire, ça peut être un mouvement très positif. Nous trouvons donc légitime cette prise de position dans le débat actuel, mais nous ne validons pas la dialectique employée pour porter ce message. Par contre, nous condamnons les difficultés que rencontrent les promoteurs de cet appel pour s'exprimer. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que lors du colloque que nous organisons en octobre 2005, de nombreux signataires sont présents aux deux tables rondes. Et effectivement, à leur colloque, des signataires de l'appel des indigènes sont présents, comme Nassira Guenif ou Salah Mokran. Par contre, aucun initiateur n'est invité. Au mois de juin, meurt le jeune Sid Ahmed à l'âge de 11 ans. Il meurt tué par deux balles perdues pendant une rixe à la cité des 4000 à la Courneuve. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, se rend à la Courneuve où il parle devant la famille de son intention de nettoyer au Karcher le quartier. Et ces mots ne passent pas. D'autant que dans la période, Nicolas Sarkozy a plusieurs fois parlé de nettoyer les banlieues. Il dit « Quand je vois des bandes qui trafiquent de la drogue dans les cours d'immeubles, je dis qu'il faut nettoyer. Quand je vois des voyous avec des fusils à pompe, je dis qu'il faut nettoyer. » Or, historiquement, tout le lexique du nettoyage est lourd de sens. Et d'ailleurs, le syndicat de la magistrature lui rappelle qu'en France, on juge les gens, on ne les nettoie pas. On retrouve aussi dedans un ressort qui est classique chez Sarkozy, qui est de défendre la pauvre victime. Et au nom de cette défense, tous les excès de langage et de répression sont autorisés. Et enfin, c'est un peu la tare de Sarkozy, c'est que où qu'il aille, Il a besoin de faire le fier à bras, de se placer au centre, alors que là, ce qui se passait, c'était juste un quartier qui était meurtri et qui se préparait à enterrer un petit de la cité. Et une marche va d'ailleurs rassembler 2000 personnes. À cause de l'attitude de Sarkozy et de sa manière de gérer les choses, le quartier aura en plus à subir des opérations de police massives, c'est-à-dire des policiers par dizaines, le RAID et des CRS qui fondent sur le quartier. L'antiracisme institutionnel l'avait annoncé en 2001. Une des manières de combattre les nouveaux racistes et les nouveaux antisémites, c'est-à-dire les luttes antiracistes, anticolonialistes et anti-impérialistes, c'était de chercher des communautés opprimées par des peuples du Sud, et particulièrement dans des pays musulmans. Et les militants de ce camp vont particulièrement s'intéresser à ce qui se passe au Darfour, au Soudan, c'est-à-dire un crime contre l'humanité dont est accusé un régime islamiste. Et Prochois va consacrer une grande partie de son numéro de l'été à cette question. Puis dans le numéro de septembre, elle se demande si l'intégrisme est queer. Elles vont d'abord donner la parole à Saïd Saadi, qui à l'époque est à la tête du RCD, et ça leur permet d'avoir un Algérien qui dit qu'il trouve l'appel des indigènes de la République consternant parce qu'il entretiendrait l'intégrisme. Ensuite, dans ce numéro, elles vont donner la parole à des filles voilées en publiant les résultats d'une enquête qui a été menée auprès de 6 jeunes filles. Et donc, à le lire, on comprend que si le voile existe, c'est parce qu'il y aurait une forme d'injonction communautaire à le porter. Et puis dans ce numéro, Fiametta Wehner et Caroline Forest vont aussi beaucoup s'intéresser au livre « Les féministes et le garçon arabe ». C'est un livre que Nasser Aghanim Soulamas a coécrit avec Éric Massé. Et la critique du livre de Prochois porte sur un point précis. Les auteurs puisent dans les concepts de la théorie queer pour expliquer que les pratiques de genre du garçon arabe et de la fille voilée relèvent de la liberté et de la performance, puisque la théorie féministe queer, c'est une théorie qui a distingué les genres biologiques, physiologiques, de l'expression du genre qui va être apprise dans une culture donnée et qui va donc varier selon les cultures. C'est une théorie qui cherche à légitimer des pratiques de genre qui sont minoritaires, qui sont nouvelles par opposition à la tradition. Et en général, les masculinités et les féminités arabes ne sont jamais pensées à travers ce cadre. Or, c'est ce que font Nasser Aghanim Soulamas et Éric Massé, et ça, Caroline Forest ne le supporte pas. En gros, ça revient à dire que se faire une crête de cheveux arc-en-ciel, c'est hyper moderne et c'est briser des carcans. Par contre, être un garçon arabe masculin en France, ce serait être barbare et ça ne peut pas relever de la même liberté. Donc les auteurs cherchent à montrer comment c'est une condition, le garçon arabe, qui fait subir plein de contraintes, plein de violences, au même titre que celle de femmes arabo-musulmanes. Et ça, Forest ne peut pas supporter qu'on utilise une théorie féministe, même queer, pour trouver une légitimité au voile. Et donc elle va particulièrement viser dans ce texte Christelle Tarot ou Marilène Boursier, qui, à l'époque, font partie des féministes qui défendent le droit des femmes à porter le voile. Et donc, octobre, c'est le mois où se tient le colloque sur la fracture coloniale à l'Assemblée nationale. Il est donc co-organisé par ACHAC, l'organisme de Pascal Blanchard, les éditions La Découverte et puis Le Monde diplomatique, et ça a lieu à l'Assemblée nationale. Il y a une vingtaine d'invités pour débattre sur les héritages coloniaux dans la société française. C'est un colloque organisé en deux temps et qui est fait à l'initiative de la députée Christiane Taubira. On retrouve dedans François Gèze, Suzanne Citron, Marc Ferraud, Benjamin Stora, Sandrine Lemaire, Mathieu Rigouste, Saïd Bouamama, Ahmed Boubekeur, François Vergès, Dominique Vidal, Salah Mokrane, Ronny Broman, Nicolas Bancel, Didier Laperroni, Nasser Aghanim Soulamas, Pascal Blanchard, Patrick Simon et Claude Issiard. Le même mois, Sarkozy est en visite à Argenteuil. Alors là, il va faire une visite nocturne dans le quartier du Val d'Argent. Sarkozy, là, clairement, est venu faire une démonstration de force. Il veut montrer qu'il n'y a pas de zone de non-droit et que donc il est partout chez lui. Vu l'heure, il sait qu'il va croiser dans le quartier et évidemment, il est pris à partie par des jeunes qui en ont assez de ses discours qui sont stigmatisants et puis de sa politique aussi qui se traduit par une tension accrue dans les quartiers. Donc vraiment, Sarkozy, c'est le ministre de l'escalade. Donc il est face à eux et il est vraiment décidé à faire la démonstration de ce dont il l'accuse puisqu'il répond avec mépris en les traitant de racailles et de voyous. Il dit « On va faire que ces quartiers puissent vivre, que les gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, puissent vivre sans avoir la vie empoisonnée par les voyous, par les trafiquants et par tout un tas de jeunes qui n'ont rien à faire ici. On va vous en débarrasser, ne vous inquiétez pas. » Après le projet de loi antiterroriste, le droit de vote aux immigrés, Nicolas Sarkozy veut s'afficher sur tous les terrains. Hier soir, il était en déplacement dans un quartier sensible d'Argenteuil. Une visite agitée, qu'à cela ne tienne, le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'il reviendrait dans 15 jours. Amaury Guibert, Marie Cazot. en rang serré avec au centre Nicolas Sarkozy, visage fermé. Autour, 200 jeunes, un comité d'accueil plutôt agité. Les premiers projectiles fusent avec les insultes. Balise en Kevlar et parapluie, le service d'ordre tente de protéger le ministre. Il y a 100 mètres à faire jusqu'au commissariat, l'objet de la visite. Des étages, les habitants observent la scène. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Une petite phrase et une heure de visite. Ce matin, le quartier a retrouvé son calme et beaucoup d'habitants s'interrogent. Cette venue tardive était-elle judicieuse? Le soir, il peut s'apercevoir d'autres choses qu'il ne peut pas les avoir le jour. Et M. Sarkozy serait venu dans la journée. Venu à cette heure-là, c'était pas vouloir écouter l'opinion des gens. Sûrement pas, à ce moment-là. Il n'avait pas envie d'entendre certaines choses. C'est exprès tout ça. Voilà, il cherchait des problèmes avec les gens. C'est tout. Dites-lui, hein, s'il revient, qu'il revienne la journée, prendre rendez-vous avec tout le monde et il verra, là, là. Il pourra discuter. Le dialogue, Nicolas Sarkozy dit ne pas le refuser. C'est ce qu'il a précisé ce matin, un rien provocateur. Je ne ferai aucun amalgame en confondant les jeunes et les voyous. C'est la raison pour laquelle, puisque ma visite à Argenteuil a tellement plu, j'y retournerai. Le rendez-vous est pris, sans doute d'ici à une quinzaine de jours. Par ces mots, Sarkozy met le feu, parce que c'est un discours qui est codé mais qui est compris de tous. C'est le bon français honnête contre les immigrés voyous. Et c'est en plus un discours qui a la même matrice que celui sur la légitime défense. Peu après, le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, des émeutes éclatent après l'électrocution dans un transformateur EDF de 3 jeunes qui tentaient d'échapper à la police et 2 vont décéder. Donc les jeunes reviennent d'un match de foot, ils passent près d'un chantier et un employé du funérarium appelle la police. Il dit que les jeunes cherchent à voler du matériel sur le chantier. C'est évidemment faux. La BAC 833 arrive et quand Ziad, Bouna et Mouitine les voient, ils voient qu'un des policiers a un flashball et ils se mettent à courir pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils n'ont pas leurs papiers, et que donc, s'ils ont un contrôle, d'une, ça risque de mal se passer, et de deux, ils vont être en retard pour la rupture du jeûne. Donc tous les trois vont se cacher dans un transformateur électrique pour attendre de ne plus entendre les sirènes policières. Les échanges radio ont prouvé que les policiers savaient. L'un d'eux les a vus enjamber le grillage, il comprend donc qu'ils s'introduisent sur le site EDF. Et le policier déclare à la radio, s'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau. Et puis les policiers ne font rien, ne les sortent pas de là, n'appellent pas les pompiers. 20 minutes plus tard, les 3 jeunes sont électrocutés. Mouitine est grièvement blessé, il arrive quand même à regagner le quartier et appeler à l'aide. Quant à Ziad et Bouna, eux meurent sur le coup. Donc dès le soir, la tension monte. Le lendemain, Sarkozy, le pompier pyromane, défend les policiers en disant que les jeunes n'étaient pas poursuivis par la police et qu'il y avait bien des cambrioleurs à l'œuvre. C'est un mensonge, donc de nouvelles émeutes ont lieu. Le 29 octobre, c'est jour de trêve, une marche blanche réunit 500 personnes à Clichy. Et puis le 30, des affrontements ont lieu autour de la mosquée de Clichy entre la police et les jeunes. À un moment, une grenade lacrymo est lâchée dans l'enceinte de la mosquée, ça va être l'étincelle qui mettra le feu aux banlieues. Et Sarkozy a une forte responsabilité là-dedans parce qu'il a entretenu systématiquement l'idée que les jeunes étaient des délinquants, ce qui était faux, archi faux. Et il a nié qu'il y ait eu course-poursuite avant la mort de Ziad et Bouna, ce qui aussi est mensonger. Manuel Valls aussi va y participer à cette escalade en dénonçant systématiquement la violence des gens de banlieue, et il y aura seulement une minorité de responsables politiques qui vont apporter une analyse des sources de la colère. Donc début novembre, les émeutes se poursuivent, elles s'étendent, certains même demandent une loi anti-émeute, et puis elles vont atteindre petit à petit Rouen, Lyon, Nantes, Rennes, Soissons, Lille, Toulouse. En quelques jours, la France entière est le théâtre d'émeutes de banlieue jusqu'à 270 communes touchées le même jour. Le 8 novembre, l'État proclame l'état d'urgence, qui est une mesure coloniale, avec des mesures spécifiques pour certains départements, en particulier en Île-de-France. Il y a des maires verts qui vont refuser de l'appliquer. Le 11 novembre, Serge Michel du magazine suisse L'Hebdo décide de s'installer avec une quinzaine de journalistes dans un appartement de Bondy pour couvrir cet événement incroyable qui se passe dans les banlieues. Et c'est donc la naissance du Bondy Blog. Serge Michel a le sentiment que la couverture par la presse française est insuffisante et qu'elle est déconnectée du regard des habitants. Donc il y a l'idée de donner la parole aux habitants, qui est toujours quelque chose qu'on fait quand on cherche d'autres interlocuteurs que ceux qui sont consumés par la rage. Au 14 novembre, les émeutes continuent toujours, Et là, Jacques Chirac s'exprime en proposant une réponse, on va dire, équilibrée entre dénonciation des violences et proposition pour sortir de la crise. Mais bon, dans tous les cas, c'est tellement loin de ce qui est attendu. Dans des circonstances pareilles, il n'y a presque rien à en espérer. Laurent Mucchielli, le sociologue, a analysé avec le recul quelles étaient les motivations des émeutiers. Et pour lui, la mort des Ziad et Bouna paraît secondaire. Ce qui a paru intolérable pour eux, c'est le comportement de la police devant la mosquée, et puis ce sont les mensonges des autorités qui étaient relayés au plus haut niveau. Et c'est une colère qui se manifeste vis-à-vis de l'État, de sa faillite, de son incapacité aussi à prendre en compte les revendications. Et quand l'État et les responsables politiques condamnent les violences de manière simpliste, ils ne font que attiser la colère, parce que le nœud du problème, encore une fois, c'est la relation des jeunes avec la police, et certains malhonnêtes à l'époque voudront y voir un acte identitaire ou islamiste, c'est complètement fantaisiste. Dans le monde militant, il va y avoir un pan de la gauche radicale qui va avoir du mal à voir au-delà des violences, et qui va nier à ces violences leur caractère politique. Ils oublient complètement qu'avec nous, indigènes, l'État communique par la violence. C'est son mode, c'est l'État qui pose les règles. Et puis, d'une certaine manière, ces violences étaient légitimes parce que ces banlieues en feu vont d'une certaine manière être entendues. À partir de là, des fonds vont être dégagés, des emplois vont être créés. Par contre, la répression va être impitoyable. Des jeunes vont passer en comparution immédiate et se retrouver avec leur avenir mis en difficulté. Ce qui évidemment n'arrivera jamais au paysan qui va arroser de fumier la préfecture de son département. Comme l'État a perdu le contrôle et que le monde entier s'étonne de voir la France à feu et à sang, l'état d'urgence et la répression judiciaire, ce sont des moyens de montrer que l'ordre règne en France. Or, vu de l'extérieur, les pays étrangers voient ça comme des émeutes ethniques, et c'est tout à fait juste, hein, dans le sens où c'est quand même le racisme à la base, à la racine qui a alimenté cette colère par les inégalités qu'il a inscrites dans la société française. D'autres diront que c'est la polygamie qui a déclenché ces troubles. En vérité, c'est aussi très français ces émeutes, ça rappelle complètement la Révolution française ou la Commune. Pour le bilan, il y a quelques morts indirects, une femme handicapée qui est décédée dans un bus en feu, paix à son âme, et puis presque 800 incarcérations. Les familles, elles vont devoir attendre 10 ans pour avoir un procès. Les policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger seront relaxés. Certains ne perdent pas le Nord. Dès le mois de novembre, l'association Assez le Feu apparaît. Elle se présente comme une alternative à l'émeute. Elle participe à des débats locaux à Clichy. Elle appelle à s'inscrire sur les listes électorales. Même chose dans le Lyonnais, où le collectif Banlieue 69 veut devenir une force politique capable de présenter des listes aux prochaines élections municipales dans les banlieues. On retrouve là Abdelaziz Chambi, Saïd Kebouche, Pierre Didier Tchétchéapéa. Disons qu'en période de tension, il y a toujours des gens qui vont se positionner en médiateur avec des objectifs plus ou moins clairs. Il faut se dire que c'est quand même des moments où les autorités recherchent des interlocuteurs raisonnables. Et c'est donc quand même le moment le plus suspect pour s'investir comme porte-parole des banlieues et de ses habitants. Et même chose avec le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, qui va annoncer sa création fin novembre 2005 et qui, clairement, se présente comme communautaire non communautariste, ce qui est une manière de valider l'idée que les autres le sont, communautaristes. On retrouve Louis Georgetin et Patrick Lozès à la manœuvre, et le CRAN veut faire du lobbying pour représenter la parole des Noirs de France. Fin novembre 2005, les tactiques collectives Zebda reviennent avec leur festival Origine contrôlée, c'est la deuxième édition. Cette fois, ils débattent de l'histoire des luttes de l'immigration de 1975 à 2005. Ils ont invité pour ça Dominique Vidal, ainsi que Mognis Abdallah, qui est de l'agence Immédia. Ils organisent aussi un débat sur la loi du 23 février, où ils invitent la LDH, et puis une rencontre sur la mémoire de l'esclavage avec Christiane Taubira, et aussi Carfa Diallo de Bordeaux, qui, si vous vous en souvenez, avait fait une liste motivée dans sa ville. Nassira Ghanif est aussi invité à parler de sexisme dans les quartiers de jeunes filles voilées, et Frantz Fanon est mis à l'honneur avec le film Frantz Fanon, mémoire d'asile. Que disent les organisateurs de cette année bouillante sur les thématiques qu'ils traitent? Eh bien, ils disent que ces émeutes ne sont pas les premières, qu'elles arrivent régulièrement. Simplement, cette fois, ils considèrent que le caractère national est frappant. Mais pour eux, il manque des relais efficaces pour organiser et relayer la parole des jeunes. Ils disent « aucune organisation, quelle qu'elle soit, n'a été en mesure de se positionner comme relais potentiel » et ils ont donc l'impression qu'il faudrait construire une nouvelle dynamique dans ces quartiers, sans laquelle la ségrégation spatiale, économique et politique s'accentuera pour produire de nouvelles tensions. Ils disent que, contrairement à l'idée répandue du désert politique des quartiers populaires et à la caricature de certains discours politiques sur la nature ethnique des problèmes, ces quartiers et leurs habitants sont riches d'histoire et de traditions d'engagement. Après plus de 30 ans d'expérience politique associative dans ces quartiers, celles-ci doivent être révélées et valorisées pour construire une culture politique qui manque cruellement dans les cités. Pour eux, un des enjeux politiques majeurs, c'est celui de la transmission d'une histoire politique des banlieues et de l'histoire de l'immigration largement méconnue par les plus jeunes, mais aussi par une grande partie de la société. C'est à cette tâche que leur festival tente modestement de contribuer. Et d'ailleurs, le Tacti Collectif va inviter la CHAC pour une soirée spéciale consacrée à la fracture coloniale avec les auteurs. Alors précisément du côté des luttes de l'immigration, les indigènes organisent au Trabendo un concert politique le 18 décembre. Donc désormais les indigènes forment un mouvement, et lors de ce concert politique, ils vont poser une liste de 15 revendications que vous retrouverez en lien de cet épisode. Et dedans on retrouve autant des revendications qui concernent la répression des révoltés de novembre, que des revendications sur la politique impérialiste française ou bien sur les droits des résidents étrangers. Des aînés sont aussi présents, comme l'exige le respect chez nous. Hein, toute lutte doit commencer par rendre hommage aux luttes passées et mentionner les aînés. Donc les militants du MIB, Tarek Kaoutari, Nordinis Nasni, prennent la parole, mais aussi Samir Eliès, Abdelaziz Chambi et Pierre Didier, Tchétché Apea de Lyon. Ces deux derniers viennent toutefois d'annoncer leur projet de lancer un mouvement des banlieues qui se présentera au municipal. Donc leur démarche est quand même tout à fait différente de celle du MIR, qui n'est pas une mobilisation sectorielle, mais qui est plutôt un projet d'organisation antiraciste, résolument anticolonialiste et inscrite dans l'histoire des luttes de l'immigration. Et l'année se termine avec le voyage prévu de Sarkozy à la Martinique et à la Guadeloupe. À l'époque, Aimé Césaire est encore en vie et Nicolas Sarkozy espère pouvoir rendre visite à l'intellectuel auteur du discours sur le colonialisme. Sauf qu'Aimé Césaire va refuser cette visite en déclarant qu'en tant qu'auteur du discours sur le colonialisme, il reste fidèle à sa doctrine et anticolonialiste résolu. Il dit « Je ne saurais paraître me rallier à l'esprit et à la lettre de la loi du 23 février 2005 sur la reconnaissance dans les programmes scolaires du rôle positif de la présence française en Outre-mer ». Pendant le séjour prévu de Sarkozy, les organisations locales ont aussi prévu de manifester pour protester contre l'auteuil de Racaille et Karcher, parce que la jeunesse caribéenne, qu'elle soit ou non des ghettos, elle n'accepte pas du tout ces propos, comme le montrera le Burn Sarko que vous pourrez écouter en fin d'épisode. Et puis, il y a aussi le collectif contre la loi de la honte qui a prévu de se mobiliser, puisque la Guadeloupe et la Martinique sont des terres de lutte anticoloniale, et même si la loi visait l'Afrique du Nord, en tant qu'afro-descendant, il se sent totalement concerné. Donc au final, Nicolas Sarkozy annulera son voyage après le refus d'Aimé Césaire de le rencontrer, parce que c'est un problème pour Nicolas Sarkozy. Il est en train d'essayer de se construire une image de présidentiable pour 2007, et il a absolument besoin des Antilles pour ça. Ne nous teste pas, ne nous teste pas, tu veux oublier, mais rien ne sera oublié, surtout pas le temps. Des coups de fouet reçus et d'un peuple meurtri sans savoir pourquoi. Oublier l'histoire de notre peuple noir que tu as déçu et que tu vas décevoir. Ne nous teste pas, ne me teste pas, ne nous teste pas. Oh, oh, lieutenant, pas. Même les barman d'Atenez Ketel, où j'en savent, le week-end fucking beat by break, ta somme by farce, roule, tout ça qu'a des respect plat. C'est des styles, des styles, des façons, des façons. Où ça, ça pouvait nous faire dans les mauvais dans les lieux. Oh, lui, je suis dans le bain, mon check, un mec d'assez ballon qu'on appelle ça en coco. On met comme une maison, gardez ça dans la tête, l'isard. Mais le temps, toi, tu es passé, comme mon quand tu es pénassé. Je sais pas par assassin, c'est mais c'est à la même chose. À ta faille, à bonne batte, ta cause est sacrée. Toutes les yaki qui commentent, les deux devant et puis batte. Quand tu es passé, par le cas t'es pénassé. Je sais pas par rapport si c'est mais c'est t'as la même chose. À ta fin d'avant de battre, t'as aussi être sacré. Tout le monde qui commente, les deux devant Ça suffit pas, ils nous envoient des militaires. Y'en a faute de leurs ministres et de leurs parlementaires. Après les voitures brûlées, ça sera le tremblement de terre. Mais ce chat consiste pas vraiment pour changer de guerre. Avec le ghetto, tu viens de déclarer la guerre. Puis ces propos politiques, je trouve vraiment terre à terre. Comme dirait un petit Jean-Luc, c'est vraiment galère, galère. Un big respect à l'homme qu'on nomme Aimé Césaire. Et un fire pour tous ceux qui doivent imiter Hitler. Quand à Napoléon, je l'envoie niquer sa mère. Quand c'est avec la main d'autre que je lui le droit d'honneur de ma carbone passée. Maintenant quand t'es financé, je sais pas par hasard si c'est mystique t'as la même pensée. À ta part la bonne battue, t'as causé extraqué. Toutes les gars qui calment, t'es les yeux pour pas être vaqué. Mais le cas t'as tué passé, maintenant quand t'es financé. Je sais pas par hasard si c'est mystique t'as la même chance. À ta part la bonne battue, t'as causé extraqué. Toutes les gars qui calment, t'es les nettoyage au corps, j'en mets son corps sur roule, boule avec le feu d'être. Pour les massifs qui ont joué les agitateurs. Pour la en tunique pour mes frères et mes soeurs. Je reviens cacher sous le peine et sur tous ces électeurs. Leur du corps, ils sont pour l'on était qu'un. Ils ont sali mon uniforme et je viens là, mes agents. Sous le ils comprennent ma langue, j'ai fait du tout. Ils louent les plus longs, c'est qu'ils ont le vice. Pour mes langues qu'on appelle belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle. Pendant que le peuple va mal, les politiciens se disent. Ils ne font pas parler, parler, nous on analyse. Pour le phénomène des cités. Ah, you tell me, tell them.